إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence maintenant le cours numéro 9 dans la lecture du livre الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان للشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله avec les commentaires de Cheikh Saleh Al-Fawzan حفظه الله تعالى. Et on est arrivé maintenant à l'endroit où Cheikh الإسلام ابن تيمية il cite encore des versets, et c'est le dernier verset que, ou bien la dernière série de versets que Cheikh الإسلام ابن تيمية a mentionné comme introduction pour clarifier la signification et la distinction entre les alliés d'Allah et les alliés du shaitan. Hein? Et ici, il dit, et il cite les versets de 1 à 5 dans Sourate Al-Mumtahana. Les versets de 1 à 5 dans Sourate Al-Mumtahana. Et na'am. Et préalablement, on avait expliqué des points qui ont rapport à ce sujet-là quand on a lu ensemble les versets dans Sourate Al-Ma'ida. Hein? Et là, on va revenir sur certains de ces points qu'on avait mentionnés ou dont on avait parlé parmi les exemples qu'on avait donnés des paroles de Cheikh Saleh Al-Sheikh. Ici, on va voir que Cheikh Al-Fawzan, il va mentionner certains détails là-dessus aussi. Donc, on va commencer par lire les versets, puis après on va lire la traduction et lire les explications tout de suite après, inshallah. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il dit: "Wa qala ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq." الآيات إلى قوله ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. Donc on voit que le cheikh il cite le verset 1 puis après il mentionne, il dit, et les versets qui suivent, et il mentionne ensuite jusqu'à la parole d'Allah lorsqu'il dit ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. Donc, on va lire en fait tous les versets au complet, puis on va après les traduire. Donc, le cheikh, il cite donc toute la première page de Surat Al-Mumtahana. Il dit: Ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al-haq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير

رضي الله عنه من سادات الصحابة وممن شهدوا بدرا لكنه اجتهد فأخطأ فكتب إلى المشركين كتابا سريا يخبرهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أراد غزوهم وأرسل الكتاب مع امرأة خفية فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بالأمر فأرسل الزبير والمقداد وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم في إثر المرأة أو في أثر المرأة وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوا منها. Donc on va traduire qu'est-ce qu'on vient de lire maintenant. Le Cheikh il explique que ces versets, qui sont les premiers versets dans Surat al-Mumtahana, et avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert ou a débuté cette surah, et dans laquelle il s'adresse aux croyants en disant « Ô vous qui avez cru, ne prenez pas mon ennemi et votre ennemi comme alliés, leur offrant l'amitié, alors qu'ils ont renié ce qui vous est venu de la vérité. » Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala dise à la fin du verset 5 « Innaka antal azizul hakim » Tu es certes le Tout-Puissant, le Sage. Et il y a dans cette sourate l'appel d'Ibrahim alayhi salam et de son peuple. Et dans cette sourate, cette sourate qui est Mumtahana, elle a été révélée avec une cause. Donc ces versets dans sourate al-Mumtahana ont été révélés avec une cause, c'est-à-dire une cause pour sa révélation. Et la cause en question, c'est que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a voulu partir en expédition militaire contre la Mecque, contre les mushrikines qui étaient à la Mecque. Et la raison pour laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a décidé de les attaquer, c'est parce qu'ils avaient trahi leur entente entre les musulmans, l'entente qu'ils avaient avec les musulmans. Donc étant donné qu'ils ont brisé l'entente qu'ils avaient prise avec les musulmans, dans l'entente qu'on a appelée en arabe As-Sulh Al-Hudaybiyah, c'est-à-dire le pacte ou l'entente de paix de Al-Hudaybiyah entre les musulmans et les mushrikines, eh bien étant donné qu'ils ont brisé cette entente-là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a pris la ferme décision de les attaquer et de les combattre pour avoir trahi leur traité et leur entente. Et toutefois, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme à son habitude, lorsqu'il avait l'intention de combattre ou d'attaquer une région ou une ville, il le cachait, il ne le divulguait pas, parce que ça fait partie des secrets de guerre, des secrets militaires. Donc il ne laissait pas ses compagnons savoir vers quelle direction il voulait se diriger, parce que cela fait partie des secrets de la guerre. Et pour éviter que si par exemple il y avait par exemple parmi les gens des espions qui les surveillaient, eh bien ils ne pouvaient pas savoir à l'avance dans quelle direction le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam partait. Le cheikh il explique que ces secrets de guerre, c'est des secrets qui ne doivent pas être apparents pour les gens. Les gens ne doivent pas les connaître. Et donc il s'est dirigé pendant le mois de Ramadan vers Mecca. Et parmi les sahabas qui étaient présents avec lui, il y avait le compagnon qui s'appelle Hatib ibn Abi Balta'a. J'ai parlé de lui, radiyallahu anhu, déjà. Dans les cours précédents, on en a parlé. Et donc ce sahabi fait partie des hein, parmi les plus grands parmi les Sahaba, fait partie des grands parmi les Sahaba. Il a été parmi ceux qui ont été présents dans la bataille de Badr. Hein? Donc c'est un parmi les grands Sahaba, hein, un parmi les nobles, parmi les Sahaba, sauf qu'il a fait un effort de jugement et il s'est trompé, il a fait une erreur. Il a commis une faute, il a commis une erreur ici. Et l'erreur qu'il a commise, c'est qu'il a envoyé une lettre en secret aux mushrikin, les informant que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait l'intention de les attaquer. Alors il a envoyé une lettre avec une femme, yani, et il lui a demandé donc d'apporter cette lettre à la Mecque en cachette. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam la situation et l'affaire. Et donc Allah lui a fait savoir que quelqu'un avait envoyé une lettre, hein, pour les mushrikines, pour les informer de l'intention du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé parmi les sahaba Az-Zubayr et Al-Miqdad et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum pour retrouver cette femme. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: partez jusqu'à ce que vous arriviez à un jardin ou un endroit qui s'appelle Khawkh ou Khakh, Rawdat Khakh. Et il dit: là-bas vous trouverez une femme et avec elle, elle a une lettre. Prenez cette lettre, hein, prenez d'elle cette lettre. Alors il dit ensuite: قال فانطلقنا وتعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة قلنا لها أخرجي الكتاب قالت ما معي كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب قال فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه حاطب ابن أبي بلتعة إلى ناس من مكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc ici le cheikh il explique que les trois parmi les sahaba que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé sont partis avec leur monture jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'endroit désigné par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et voilà que yani, ils sont partis à toute vitesse et ils sont arrivés très rapidement à l'endroit et ils ont trouvé la femme en question. Alors tout de suite ils lui ont dit à cette femme: sors le livre, hein, ou la lettre. Il fait sortir la lettre. Elle a dit, la femme a dit: je n'ai pas de lettre, hein, j'ai pas de lettre avec moi. Alors ils ont dit: soit tu fais sortir la lettre ou bien on va t'enlever tous tes vêtements jusqu'à ce qu'on trouve cette lettre. Alors la femme a sorti cette lettre qui était cachée dans ses cheveux. Alors ils ont ramené la lettre au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont trouvé dans la lettre écrit: de la part de Hatib ibn Abi Balta'a à des gens à Mecca parmi les mushrikines. Et il leur donnait des informations sur certaines des affaires du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ sallallahu alayhi wa sallam يَا حَاطِبْ ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا في قريش يقول كنت حليفا ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب من لهم قرابات يعني فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابات قرابتي ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. Donc le cheikh il explique que ensuite quand donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu la lettre et il a vu le nom donc de Hatib, alors il lui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: oh Hatib, qu'est-ce que c'est que ça, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, hein, il a posé la question et Hatib a dit: oh messager d'Allah, yani, ne sois pas précipité par rapport à ce que j'ai fait, hein? Ne te précipite pas ou ne te dépêche pas à juger ce que j'ai fait. Il dit: sache que j'étais une personne qui ne faisait pas partie de Quraysh, de la tribu de Quraysh elle-même, mais que j'étais plutôt un allié de Quraysh. Mais j'avais pas de. Il m'a dit, étant donné que je ne faisais pas partie de Quraysh, de la tribu de Quraysh elle-même, et que la plupart des compagnons, hein, parmi les muhajirines, les gens de la Mecque qui ont fait la hijra, ils ont des liens de parenté et des proches à Mecca qui protègent leur famille et qui protègent leur propriété et leurs biens. Il dit: j'aurais souhaité de mon côté, puisque je n'ai pas de lien de parenté avec eux, avec des gens de la Mecque, j'aurais souhaité utiliser quelqu'un, hein, utiliser le fait d'avoir écrit cette lettre pour avoir une protection pour mes proches qui sont à Mecca, étant donné qu'ils ne font pas partie de Quraysh, au moins certains d'entre eux allaient être protégés, hein, ils allaient préserver mes biens également, c'est-à-dire contre les mouchriquins, contre d'autres mouchriquins. Alors il a dit ensuite que il a dit: je n'ai pas fait cela pour quitter ma religion ou revenir sur ma foi et ma religion, ni par agrément vis-à-vis de la mécréance après avoir accepté l'islam. Donc il dit en fait qu'il n'a pas fait ça pour renier l'islam ou renier sa foi, mais il a fait ça, hein, comme il l'a expliqué lui-même, pour avoir une protection, puisque les autres parmi les muhajirines, eux qui ont des liens de parenté, leurs biens étaient protégés, tandis que lui il n'avait pas de moyen de protéger ses biens par rapport à ses liens de parenté, donc il a voulu utiliser ça comme un moyen pour avoir une protection quelconque. Et ensuite il dit: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَمَّا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا. قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة, إلى قوله: فقد ضل سواء السبيل. وسبب النزول هو قصة حاطب وصفه بالإيمان, فدل على أنه لم يتأثر إيمانه رضي الله عنه ولم ينافق, وإنما وصفه الله بالإيمان مع إخوانه من المهاجرين والأنصار, لكنه نهى عن هذا الفعل فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء, والموالاة هي المحبة والنصرة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء, يعني حاطب لم يحبهم لكنه أراد نصرتهم، وهذا من الموالاة أو من ال وهذا من الولاية من الولاية وهذا من الولاية. Donc le cheikh il dit que ensuite le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a dit certes il vous a dit vrai hein, ce qu'il vous a dit c'est la vérité par rapport à son excuse et qu'il n'a pas voulu quitter l'islam pour ça. Et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit oh messager d'Allah laisse-moi frapper le coup de cet hypocrite hein. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit il a certes été parmi les gens qui ont été présents dans la bataille de Badr hein, et il se peut qu'Allah yani, ait vu les gens de Badr et qu'il leur ait dit faites ce que vous voulez car je vous ai pardonné. Et Allah a fait descendre le verset dans sourate Al-Mumtahana dans lequel il dit oh vous qui avez cru, ne prenez pas mon ennemi et votre ennemi comme allié, leur offrant l'amitié. Jusqu'à ce qu'ils disent, yani, il les a, hein. Donc, quiconque le fait parmi vous, c'est certes éloigné ou égaré de la droiture du sentier. Et, le cheikh explique que la cause, donc, de la révélation de ce verset, ou de ces versets, c'est l'histoire de Hatib. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset il le décrit comme ayant la foi puisqu'il dit ô vous qui avez cru, ya ayyuhalladhina amanu, ceux qui ont l'iman. Donc ça c'est la preuve que sa foi n'a pas été affectée par son geste, dans le sens que yani, il n'a pas fait ça par hypocrisie hein, ou parce qu'il détestait la foi ou parce qu'il était contre la foi. Non hein, il a fait ça yani, il a fait ça comme il l'a expliqué lui-même, pour quelque chose de la dunya. Et le cheikh il explique que Allah l'a quand même décrit comme faisant partie des gens qui ont la foi, avec ses frères parmi les muhajirines et les ansars, c'est-à-dire les autres croyants. Et malgré tout, Allah subhanahu wa ta'ala lui a quand même interdit ce qu'il a fait. Et il a mentionné que ce qu'il a fait c'était un égarement. Hein? Et le cheikh il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala a dit oh vous qui avez cru yani, ne prenez pas mon ennemi et votre ennemi comme allié. Et il explique que le fait de prendre quelqu'un pour allié ça signifie de l'aimer et de le défendre hein? Et si quelqu'un aime hein, et ça je rajoute ici pour clarifier que si quelqu'un aime les mouchriquines et les kuffars et qu'il les défend pour la religion, alors dans ce cas-là ça fait sortir de la foi et de l'islam parce que c'est de la mécréance. Mais si c'est quelqu'un qui aime et qui défend les mouchriquines pour quelque chose de la dunya et non pas pour la religion, pour leur fausse religion et leur fausse croyance et leur shirk et leur kuffre, alors dans ce cas-là yani, ça ne fait pas sortir de la foi, ça ne fait pas sortir de la religion. Et ici, on a vu clairement que c'était uniquement pour quelque chose de la dunya. Pas pour la religion, pas parce qu'il était d'accord avec le shirk des mouchriquines ou le kufr des mouchriquines. Donc, hein, il n'a pas été déclaré comme étant hein, un hypocrite ou un mécréant. Mais Allah l'a appelé hein, par la foi, en disant « Oh, vous qui avez cru !» Et, naam, donc c'est ça ce que le cheikh ici il dit, quand il dit que Hatib ne les a pas aimés et ne les a pas défendus, yani, c'est-à-dire, il ne les a pas aimés. C'est-à-dire, il dit « Hatib ne les a pas aimés, mais par contre, il les a supportés, il les a aidés d'une certaine façon. Hein, » et il dit « Et ça, ça fait partie de Al-Walaya, donc il a quand même été blâmé d'avoir agi de cette façon-là. Même s'il a fait ça uniquement pour la dunya et non pour la religion, il a quand même été blâmé parce que c'est pas correct d'agir de cette manière-là. Hein? C'est en contradiction avec la foi. Et le cheikh, il explique ensuite, il cite, il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawadda. وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم، يعني أليس طردوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأخرجوا المسلمين حتى اضطروهم إلى الهجرة؟ يعني يخرجون الرسول وإياكم، يعني لأي سبب؟ أن تؤمنوا بالله ربكم، هذا هو السبب. يعني إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فدل على أن الذي يوالي الكفار قد ضل سواء السبيل إلى آخر الآيات التي فيها اللوم والعتاب، وفيها التحذير من وفيها التحذير في المستقبل أن يفعل المسلم هذا، وفيها أن سبب عداوتنا أن سبب دعوة وفيها أن سبب عداوتنا لهم أنهم أعداء لله وأعداء للمسلمين. لا تتخذوا عدوي وعدوكم. وهذا هو سبب عداوتنا لهم، أنهم أعداء لله ونحن نعادي من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو السبب، لا نعادي من أجل الدنيا أو من أجل العاطفة أو من أجل، يعني لا، نعادي من أجل الله ونحب في الله ونوالي في الله ونعادي في الله عز وجل. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. Donc, le Cheikh il explique ensuite, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans la suite du verset, yani, ne prenez pas mon ennemi et votre ennemi comme alliés en leur offrant l'amitié alors qu'ils ont renié ce qui vous est venu de la vérité. Ils expulsent le messager ainsi que vous-même. Et le cheikh il dit, n'est-ce pas qu'ils ont expulsé le messager sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils ont expulsé de la Mecque les musulmans jusqu'à ce qu'ils soient forcés de faire la hijra et de quitter. Donc ils font sortir le messager ainsi que vous-même. Et pour quelle raison? Dans quelle raison? Pour quelle cause? Parce que vous croyez en Allah votre Seigneur. C'est ça la raison. C'est ça la cause. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. Si vous sortez pour lutter dans mon sentier en cherchant mon agrément, يعني leur offrirez-vous يعني en secret l'amitié, allez-vous les aimer en secret alors que je sais ce que vous cachez et ce que vous divulguez, et quiconque le fait parmi vous c'est certes égaré de la droiture du sentier. Et ça c'est la preuve que celui qui prend les koufars pour alliés c'est égaré du droit chemin. Et il y a beaucoup d'autres versets dans lesquels il y a des blâmes et des reproches et des avertissements pour l'avenir par la suite dans ces versets pour le musulman qui agit de cette manière. Et il y a dans ces versets également que la cause de notre animosité vis-à-vis des mushrikines, c'est qu'ils sont des ennemis d'Allah et des ennemis des croyants. Et c'est pour ça que Allah il dit dans le verset, ne prenez pas mon ennemi et votre ennemi pour alliés. Et ça c'est la cause de notre animosité pour eux, qu'ils sont des ennemis d'Allah. Et nous devons détester ce que Allah déteste. Nous devons avoir de l'opposition et de l'animosité envers celui qui s'oppose à Allah et qui s'oppose à son messager. Et c'est ça la cause. Et le cheikh il dit, on ne doit pas détester ou avoir de l'animosité envers des gens pour la dunya seulement, pour des questions d'argent ou des questions des choses matérielles de la vie d'ici-bas, ou à cause des sentiments et des émotions, des sentiments. Non. on doit uniquement détester pour Allah et aimer pour Allah et s'allier à des gens pour Allah et prendre en animosité des gens pour Allah seulement. Et la preuve, c'est que Allah, il dit, ne prenez pas mon ennemi et votre ennemi pour allier. Donc, ayant dit ça, on a complété donc la série des versets que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a mentionné au début de son livre pour distinguer entre les alliés d'Allah et les alliés du shaitan et pour expliquer que, yani, c'est pas, l'important c'est pas juste d'être un wali, mais c'est d'être un wali d'Allah. Parce que tu peux être un wali, mais un wali du shaitan. Et si t'es un wali du shaitan, alors là c'est dangereux, c'est grave. Parce que ça c'est, yani, ça veut dire que t'es dans le chemin vers l'enfer. Tandis que si t'es un wali d'Allah, parce que tu as respecté ce que Allah ordonne, alors là, dans ce cas-là, hein, eh bien là, t'es dans le bien. Hein, t'es dans ce qui, yani, amène la sécurité dans ta religion et dans ta foi. Au jour de la résurrection et dans cette vie d'ici-bas. Et le Cheikh, il cite maintenant la suite. وإل دي وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله ورسوله بينهما فأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il commence la suite de ce livre en disant, après avoir mentionné les versets qu'on a lus, il dit, lorsque on a su, hein, qu'est-ce qu'on a mentionné comme verset, et qu'on a su que parmi les hommes il y a des alliés d'Allah Ar-Rahman, de tout miséricordieux, et des alliés du shaitan, le diable, alors il est obligatoire de distinguer entre ceux-ci et ceux-là. Hein? Comme Allah a fait la distinction entre les deux, ainsi que son messager. Et il dit que les alliés d'Allah, ce sont les croyants, ceux qui se préservent contre le châtiment d'Allah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. C'est-à-dire, comme Allah il le dit dans le verset 62 et 63 dans Surat Yunus, on l'a mentionné le verset déjà, certes les alliés d'Allah, ils n'auront aucune crainte, ils ne seront point attristés, ce sont ceux qui ont cru et qui se préservent contre le châtiment d'Allah, hein, qui ont attaqwa. Et j'ai décidé, parce que je l'ai expliqué plusieurs fois, que attaqwa, c'est différent de la crainte. Donc j'ai décidé que maintenant je ne vais plus traduire attaqwa par la crainte, hein, ou de dire que attaqoun, il y en a ceux qui craignent Allah. Pourquoi? Parce que c'est une traduction qui ne donne pas le vrai sens de at-taqwa. Et la piété, hein, le terme qui est utilisé pour désigner at-taqwa, parfois c'est la piété, mais yani, la piété c'est un mot français qui est utilisé par les chrétiens, hein, et qui peut avoir également d'autres significations. Donc, c'est pas nécessairement le vrai sens de at-taqwa, hein, at-taqwa en arabe. Donc, déjà le terme taqwa, yani, c'est comme on a déjà expliqué, at-taqwa ça vient de, yani, al-wiqaya, yani la protection, c'est-à-dire de chercher une protection entre soi-même et le châtiment d'Allah en faisant ce que Allah ordonne et en s'écartant de ce qu'il nous a interdit. Et le terme piété en français, on dit que ça signifie fervent attachement au service de Dieu, aux devoirs et aux pratiques de la religion. Attachement fait de tendresse et de respect. Il y a peut-être un petit sens, mais c'est juste une partie de la signification de at-taqwa. C'est comme la crainte. La crainte, ça fait partie de at-taqwa, mais c'est pas at-taqwa en entier. Parce que at-taqwa, c'est comme les ulama disent, c'est de faire ce que Allah ordonne et de s'écarter de ce que Allah a interdit par crainte de son châtiment et par espoir en sa récompense. Donc ça veut dire que il y a la crainte du châtiment dedans, mais la crainte du châtiment c'est juste une partie de ce que ça signifie, et non pas la signification entière. La preuve que le terme piété n'est pas le terme exact pour traduire taqwa, c'est que parfois on utilise la piété pour même décrire des kuffars et des mushrikines en français. Donc quelqu'un qui est mushrik, il peut pas avoir taqwa, puisque il fait la chose qui est la plus grande parmi les péchés, c'est ash-shirk. Donc celui qui fait le shirk, comment il pourrait être décrit comme étant pieux? Et également, il y en a parmi les définitions, il y a des définitions qui sont totalement contraires même à l'islam. Quand on regarde le sentiment humain alliant l'affection et le respect, tu vois, et parmi les définitions, il donne amour, respect, un respect envers les morts. Naam. Donc, attachement à la patrie, des choses de ce genre. Donc, ça n'a rien à voir avec la piété. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec at-taqwa plutôt. Wallahu ta'ala a'lam. Donc, pour continuer, non, c'est ça. Donc, alladhina amanu wa kanu yattaqun, c'est-à-dire ceux qui ont cru et qui se préservent d'Allah et de son châtiment. Donc, le cheikh, il dit, le cheikh Al-Fawzan, il explique ce passage des paroles de Ibn Taymiyyah maintenant qu'on vient de lire. Donc, il est obligatoire de, une fois qu'on a su qu'il y a des alliés d'Allah et des alliés du shaitan, il est obligatoire maintenant de distinguer entre les deux comme Allah a distingué entre les deux. Donc les alliés d'Allah sont les croyants qui se préservent contre Allah et son châtiment. Et le cheikh il explique ça. Il dit لما ذكر الشيخ رحمه الله هذه الآيات في مطلع هذا الكتاب المبارك التي فيها أوصاف أولياء الله وأوصاف أعداء الله عند ذلك عقد هذا الفصل ليبين النتيجة مما سبق عرف من ماذا من الآيات السابقة التي أوردها هذه هي النتيجة ويجب أن يفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان فلا يخلط الأمر ولا يقال كلهم بنو آدم وكلهم إخوان في الإنسانية وكلهم من بني آدم لا المسألة مسألة كفر وإيمان وليست المسألة إنسانية أو مسألة عاطفة مسألة عاطفة وإنما هي كفر وإيمان والذي لا يفرق بين هؤلاء وهؤلاء هذا دليل على عدم إيمانه لأن الله فرق بينهم فيجب أن تفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان لا يلتبس عليك الأمر فهذا فيه الرد على من يعتقد أن السحرة والكهان والمنجمين بما معهم من الخوارق الشيطانية أنهم أولياء الله وأن هذه الخوارق كرامات من الله عز وجل هذا لا يفرق بين الحق والباطل ولا بين أولياء الله وأعدائه فالله فرق بينهما في الآيات كما قال عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم فسرهم وبينهم فقال الذين آمنوا وكانوا يتقون فكل مؤمن تقي فإنه ولي لله وكل كافر ومشرك ومنافق فإنه عدو لله. Donc le cheikh il explique, cheikh al-Islam, cheikh al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, il dit lorsque le cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah, il mentionne les versets qu'on a lus au début du livre, dans lesquels il donne les descriptions des alliés d'Allah et les descriptions des ennemis d'Allah, et après il a commencé avec ce chapitre maintenant, dans lequel il clarifie le résultat de ce qui a précédé. Donc il dit, on a su maintenant, on a su quoi? On a su dans les versets précédents, les descriptions de qui sont les alliés d'Allah et de qui sont les alliés du shaitan. Donc ça c'est maintenant le résultat dont il va parler maintenant pour être capable de distinguer. Parce que c'est une obligation, le cheikh dit c'est obligatoire de distinguer entre les alliés d'Allah et les alliés du shaitan, pour qu'on ne les confonde pas, pour qu'on ne puisse pas les mélanger. Il dit, on ne doit pas dire par exemple, ah mais c'est tous des êtres humains, tous c'est des fils d'Adam, sont tous des frères dans l'humanité, sont tous des fils d'Adam, non. Il dit, la question ici c'est une question de kufr et de foi, de mécréance et de foi. Ce n'est donc pas une question d'humanité, ou une question de sentiment. Mais c'est une question qui a rapport avec al-kufr wal iman, c'est-à-dire la mécréance et la foi. Et celui qui ne fait pas de distinction entre les alliés d'Allah et les alliés du shaitan, et entre les croyants et les kuffars, entre les gens du tawhid et les gens du shirk, eh bien ça c'est la preuve que cette personne n'a pas de foi. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait une distinction entre les deux. Il a fait la distinction entre les alliés d'Allah et les alliés du shaitan. Donc toi, si tu dis non, moi je ne fais pas de distinction, eh bien c'est comme si tu es en train de rejeter la distinction que Allah a faite. Et donc, le cheikh il dit, il est obligatoire de distinguer entre les alliés d'Allah et les alliés du shaitan. Et que tu ne sois pas confondu dans cette affaire. Et il y a dans ça la réfutation de celui qui prétend ou qui croit que les sorciers, les voyants, les astrologues, et ceux qui font des choses diaboliques, qui sont hors de l'ordinaire, que le shaitan les aide à faire, ils pensent que ces gens-là sont des alliés d'Allah. Et le cheikh il dit, ces choses qu'ils font, ils pensent que ce sont des prodiges ou des sortes de miracles qui viennent d'Allah. Et il dit, donc la personne qui pense ça, elle n'a pas distingué entre la vérité et le faux. Elle n'a pas distingué entre les alliés d'Allah et les alliés du... les alliés du shaitan. Elle n'a pas distingué entre les alliés d'Allah et les ennemis d'Allah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans les versets, il a distingué entre les deux. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le verset 62 et 63... dans Sourate Yunus, comme on l'a dit tout à l'heure, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, les alliés d'Allah, ils n'auront aucune crainte et ils ne seront pas attristés. Puis il les a expliqués, il a mentionné qui ils sont, et il les a clarifiés en disant, ce sont ceux qui ont cru et qui se sont préservés. Ils ont cru en Allah et se sont préservés contre Allah et son châtiment. Donc tout croyant qui se préserve contre Allah et son châtiment, alors ceux-là sont des alliés d'Allah, des awliya d'Allah. Donc ça veut dire celui qui fait ça, c'est un wali d'Allah. Il croit et il se préserve contre Allah et son châtiment, en faisant ce que Allah ordonne et en s'abstenant de ce qu'il a interdit. Alors c'est un wali, c'est un vrai wali d'Allah. Et toute personne qui est kafir ou mushrik, ou munafiq, c'est-à-dire un mécréant qui rejette la foi, ou un mushrik, quelqu'un qui associe avec Allah dans l'adoration ou dans la croyance, ou un munafiq, quelqu'un qui prétend être croyant mais qui dans son cœur déteste la foi ou n'a pas de foi dans le cœur, alors celui-là c'est un ennemi d'Allah. Naam. Ensuite, le cheikh il va commencer maintenant à expliquer un hadith. Et ce hadith, c'est le hadith du wali, le hadith célèbre, un hadith qudsi, un hadith dans lequel il y a les paroles d'Allah qui définissent le wali, qui il est, et il mentionne certaines de ses caractéristiques. Donc nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et demain on continuera la suite en commençant avec l'explication de ce hadith inshallah. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أو فقد بارزني بالمحاربة. Donc ça c'est deux versions, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala dit celui qui oppose ou qui déteste un de mes alliés, un wali à moi, eh bien il m'a déclaré la guerre, et je lui déclare la guerre. Ou bien c'est comme s'il était sorti pour me combattre, pour me faire la guerre. Donc on va lire l'explication de ce hadith demain, inshaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.